ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء المبارك بإخوة كرام للمذاكرة في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكمل ما بدأنا بالحديث عنه. Louange à Allah, celui qui nous a gracié et permis de pouvoir continuer et répéter cette assise entre nous, et le fait de se rencontrer les uns les autres. Et nous allons continuer dans ce hadith prophétique, là où on est arrêté la dernière fois. Qui a rapporté ce hadith? Qui connaît le hadith par cœur? Voilà, عندي هديه. Il aura une récompense de la part de Sheikh. حافظ الحديث يقوم. Celui qui connaît le hadith par cœur se lève. الذي حافظ الحديث يقوم وله عندي هديه. له 100 يورو. Sheikh donne 100 euros à celui qui le récite par cœur. Il a gagné 100 euros. Donc Sheikh va le mentionner. Il prendra pour lui-même donc ses 100 euros. Même Muslim rapporte dans son authentique un hadith rapporté par Abu Dhar al-Ghifari radiallahu anhu, qui dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم dit: قال الله فيما يرويه عن ربه, قال الله تبارك وتعالى, Allah dit: يا عبادي, oh mes serviteurs, إني حرمت الظلم على نفسي, certes j'ai interdit la justice pour moi-même, وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا, et je l'ai rendu injuste envers vous, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Oh mes serviteurs, كلكم ضال إلا من هديته, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. فاستهدوني أهديكم, demandez-moi la guider et je vous guide. يا عبادي, oh mes serviteurs, كلكم جائع إلا من أطعمته, vous avez tous faim sauf celui que j'ai nourri. فاستطعموني أطعمكم, demandez-moi de la nourriture, je vous nourris. يا عبادي, oh mes serviteurs, كلكم عار إلا من كسوته, vous êtes tous nus sauf celui que j'ai habillé. فاستكسوني أكسكم, demandez-moi de l'habit, je vous habille. يا عبادي, oh mes serviteurs, إنكم تذنبون بالليل والنهار, certes vous commettez des péchés de nuit comme de jour, وأنا أغفر الذنوب جميعا, et je pardonne tous les péchés. أستغفروني أغفر لكم, demandez-moi pardon, je vous pardonne. يا عبادي, oh mes serviteurs, إنكم لن تملوا نفعي فتنفعوني, vous ne pouvez pas arriver ou accéder à mon bien avant que vous me faites du bien. Et vous ne pouvez pas accéder au fait de me nuire afin de me nuire. Ya ibadi, oh mes serviteurs, si les premiers d'entre vous et les derniers d'entre vous, ainsi que vos humains, et vous dit, avec le cœur de l'homme le plus pur d'entre vous, cela n'augmenterait en rien dans ma royauté. Oh mes serviteurs, si les premiers d'entre vous et les derniers d'entre vous et vos humains et vos djinns كانوا على أفكار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Avait le cœur du plus pervers d'entre vous, ça ne diminuerait en rien dans la royauté. يا عبادي. Oh mes serviteurs. Si les premiers d'entre vous et les derniers d'entre vous et vos humains et vos djinns se rassemblaient sur la même esplanade et me demandent, je donne à tous ceux qui m'ont demandé sans que cela diminue dans ce que j'ai. De la même façon que celui qui entre ou trempe un fil dans la mer. Est-ce que cela diminue pour la mer? Oh mes serviteurs, certes ce sont vos œuvres. Je les compte pour vous et je vous les donne. Celui qui retrouve un bien, qu'il loue Allah. Et celui qui trouve autre que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Ceux qui ont dit ça, c'est parce que les gens ont des portables qui sont ouverts. Donc en vérité, le mieux c'est d'éteindre le portable plutôt que de le laisser en vérité en silence, car on capte les ondes passe très facilement. Donc le mieux pour l'instant c'est de fermer totalement le portable. Vous l'éteindre. Peut-être qu'il faudrait peut-être mettre les portables peut-être loin ou près des bases, peut-être c'est mieux. Avant-hier. Nous avons expliqué quoi? Combien de fois il y a l'appel d'Allah dans ce hadith? 10. Nous avons expliqué combien d'appels. من اللي يقول اثنين؟ كي دي دو؟ من اللي يقول ثلاثة؟ كي دي تروا؟ كات. واحد يقول أربعة شيء. من اللي يقول أربعة؟ كي يا دي كات؟ ما هي؟ كيف سون لي كات؟ نبي التوحيد. دعوة للتوحيد. نبي سبيسيفيك. دعوة يعني خاصة للتوحيد. الدعوة إلى التوحيد بالتفصيل. كذلك التحذير من الشرك بالتفصيل. أحسن. ولكن ليس هذا سؤالي. سمتي باسا لا كيستيون. الذين قالوا اثنين أينهم؟ ما هي في الأخير؟ أيوه. والثاني؟ طيب ألم نقل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته؟ لا فقط شرحنا مسألتين. شرحنا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم. وشرحنا قبلها يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بقي عندنا مسألة ثالثة. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا فعلنا الآن في قوله يا عبادي. Nous sommes arrivés donc à la parole d'Allah. Oh mes serviteurs. يا عبادي. Oh mes serviteurs. كلكم. Vous êtes tous. Donc vous avez tous faim, sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi de la nourriture, je vous nourris. من الذي تولاك عندما كنت في بطن امك qui donc a été en vérité donc من الذي ou bien qui t'a aidé lorsque tu étais dans le ventre de ta mère من الذي اطعمك qui est ton parent qui t'a nourri من الذي تكفل برزقك qui donc est le garant de ta subsistance ها قد كبرت tu as grandi maintenant وأصبحت تسعى في كسب الرزق. Et tu recherches toi-même la subsistance. فلا تجعل ذلك من حرام. Donc il ne faut pas que cela soit dans l'illicite. ولا من مكسب محرم. Il ne faut pas donc gagner de l'illicite. فإن الله قرر لك بالرزق. Car Allah c'est pour tes garants de ta subsistance. لكن لا تجعل سبب تحصيله بالحرام. Mais il ne faut pas que la cause de ce gain de cette subsistance soit dans l'illicite. Car tu es compté. Donc tes biens seront comptabilisés. Comment tu les as gagnés? Et comment tu les dépenses? Donc la créature la plus faible, c'est l'homme. الحيوانات les animaux ذوات الأربع ceux qui ont quatre pattes تولد فتنتفض فإذا بها ترفع أمها وتمشي بجوارها donc elle se lève donc elle naît et après elle essaie de se lever elle se lève et puis elle marche près de sa mère وإذا بحركتها مستقلة et après elle arrive à marcher de façon convenable كم يمكث الإنسان combien de temps reste la personne وهو عاجز alors qu'il est incapable il n'est pas capable de se nourrir lui-même de boire de s'habiller même pour faire ses besoins il va se salir combien de temps il reste comme cela afin qu'il se suffit à lui-même vous avez oublié vous étiez comme ça combien de grandes récompenses ont les parents et dit oh mon Seigneur fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit c'est pour ça qu'il t'est ordonné donc, d'être humble et d'être doux envers eux. Miséricordieux. Donc, les enfants aussi, les enfants lèvent la voix envers leurs parents. Ils transgressent envers leurs parents. Car ils ne connaissent pas en vérité la vraie valeur des parents, du père et de la mère. La personne est faible. C'est pour cela il faut que tu connaisses en vérité la valeur du fait que Allah est garant de ta subsistance et que tes gains soient dans le halal, dans le licite la nourriture la boisson dans les choses l'origine est que ces choses là sont licites est permise vis-à-vis de la nourriture est-ce vrai ou pas je vous donne quelques points qui ont rapport avec la boisson et la nourriture la personne, donc la nourriture de la personne est ou dans les cieux ou dans l'eau ou sur la terre ou à l'intérieur de la terre est-ce qu'il y a une nourriture qui est ailleurs que cela ou une autre nourriture répondez il y a peut-être une nourriture inconnue est-ce qu'il en a Donc voici la nourriture. Ce qui est dans les cieux est permissible, est permis. Sauf donc ceux qui ont des griffes. Les oiseaux qui ont des griffes. Car ils griffent, donc ils blessent. Et ce qu'il y a dans l'eau, tout est permis. Qu'il soit vivant ou mort. Ce qu'il y a sur la terre, tout est permis. Des végétations, de la nourriture, des oiseaux, des animaux ou des poissons. Sauf ceux qui ont des crocs. Et ce qu'il y a sur la terre, la même chose. Sauf ce qui est détestable, rejetable, donc dégueulasse. Donc ce qui est impur ou qui cause tort. Tant que les choses ne sont pas impures, donc ce qui nuit et ce qui est impur est interdit. Ou s'il y a une preuve en cela, comme le porc, l'alcool et autres. Maintenant, nous avons vu clairement tous les types de nourriture, toutes les types de nourriture et de boissons. Vous avez compris ? Voici donc la subsistance d'Allah. Donc utilisez cela sans exagérer, sans dépenser ou sans non plus être avare par rapport à cela ou ça, donc dépenser, jeter, le fait de jeter, dilapider et aussi le fait donc de dépenser en exagérant. On ne jette pas cela dans les poubelles. Non plus ne sois pas avare envers tes enfants. Sois dans le juste milieu. Voici la subsistance d'Allah. Et tu es responsable de cela. C'est celui qui a habillé la terre pour vous. Donc marchez sur elle. Et nourrissez-vous de sa subsistance. Et vers lui vous allez revenir. Celui qui est dans la terre, sa subsistance, elle est Allah. Et tu seras questionné de cette subsistance le jour dernier. Donc tu dois faire attention. Dis bismillah lorsque tu manges. Mange de la main droite. Mange de ce qui est devant toi. Voici la nourriture. Lorsque tu termines, dis Alhamdulillah, celui qui m'a nourri de cela et m'a donné en subsistance sans puissance et capacité de ma part. Tu sais ce que tu auras comme récompense ? Tous tes péchés passés seront effacés ou pardonnés. Il mange, il se rassasie et ses péchés sont pardonnés. Voici donc la grandeur d'Allah. Vous savez pourquoi ? Car ce serviteur a unifié Allah. Il a remercié Allah. Il a su que celui qui gracie c'est Allah. Celui qui donne c'est Allah. Il a remercié Allah pour ce qu'Allah lui a donné. Alors il mérite cette récompense de la part d'Allah. Allah est généreux. Et il donne à son serviteur cela. Tu as terminé de manger. Donc tu étais invité. Donc Allah fait bénir ce que tu as donné en subsistance à la personne. Et pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Vous voyez, vous remarquez, certains mangent et partent. Ils ne remercient pas celui qui lui a donné. Même le mot merci ne le dit pas. Est-ce vrai ou pas? Il mange, il part. Dites aux gens de bonnes paroles. Celui qui ne remercie pas Allah ne remercie pas les gens. Il y aura entre les gens des liens. Qui te prépare ta nourriture dans la maison? Ta mère, ta soeur, ton épouse, l'épouse de ton frère, des proches de la maison, tu manges et tu les remercies pas. Des fois, ton épouse te prépare du thé et elle te le donne. Dis-lui merci. Dis-lui que le thé est bon. Des fois, elle te demande que penses-tu du thé. Pourquoi elle demande cela? Car elle veut une bonne parole en réponse. Que dire que si tu as des invités? Alors que du matin, elle prépare cette nourriture. Tu arrives toi et tes invités, vous mangez et vous partez. Et tu prépares attention à elle, tu ne lui dis même pas merci. Pourquoi c'est une bonne nourriture, tu t'es fatigué, tu as fait. Il faut donc. Et cela est dans le fait que la vie continue de la meilleure façon. La vie heureuse. Et ça, c'est. Donc tu la remercies pour ce qu'elle a fait. Des fois, elle ne patiente pas. Elle demande. Hein, tu ne te lasses pas de la remercier tous les jours. Et pourtant, elle te prépare cette nourriture tous les jours. Lorsque tu es avec tes amis et que tu leur fais quelque chose, ne serait-ce que du thé. Et il te dit c'est du bon thé. N'est-ce pas que tu seras heureux? Tu ressens ou pas que tu es heureux? Elle, la même chose. Même si elle te le fait tous les jours. Remercie-la. Rappelle-la dans le bien, donc dis-lui du bien. Dis-lui du bien d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué de sa vie une nourriture. Si elle te prépare de la nourriture alors qu'il a du sel en trop, tu lui dis pourquoi c'est trop salé? Pourquoi c'est trop sucré? Aujourd'hui ta nourriture est mauvaise. Lorsque c'était bon, est-ce que tu as dit aussi que la nourriture était bonne? Alors pourquoi tu ne fais que critiquer alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué la nourriture? Si il aime, il mange. S'il n'aime pas, il le délaisse. Des fois, certaines nourritures, les gens déposent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui proposent certaines nourritures. Il ne mange pas cette nourriture. Un exemple. On est venu avec un grand lézard vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui proposer ce lézard. Vous connaissez? Donc on lui a ramené donc ce lézard grillé. Il y avait avec lui Khalid ibn al-Walid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc n'a pas tendu sa main vers cette nourriture. Et il n'a pas dit non plus, je ne veux pas. Il n'a rien dit, sais-tu. Lorsque Khalid ibn al-Walid a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé de ce lézard, il a dit, est-ce que ce lézard est interdit et illicite ou envoyé d'Allah? Il a dit non. Mais simplement, je ne connais pas cette nourriture dans la terre de mon peuple. Khalil nous a dit donc qu'il a mangé hein, à pleines dents. Il a croqué à pleines dents. Il a mangé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté cela selon la sharia, la législation, ou bien selon la nature. Donc il y a une différence entre les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les actes religieux ou bien les actes naturels. Ce délaissement n'est pas un délaissement vis-à-vis de la religion, c'est-à-dire vis-à-vis de l'adoration. Mais c'est donc un délaissement naturel. Donc c'est parti de la nature, c'est-à-dire les habitudes. Et ça n'entre pas dans les choses de l'adoration. Donc personne ne peut dire que le prophète sallam n'a pas mangé cela, alors je ne mange pas cela. Et que si je ne mange pas, donc c'est une sunna. Est-ce que cela est permis? Est-ce que cela se fait? C'est accepté? L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entre pas dans les traditions, dans les habitudes. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déteste cela et alors Khalid l'a mangé quand même? Khalid l'a mangé et le prophète a acquiescé. Donc c'est une sunna de l'acquiescement selon un avis ou certaines paroles. Elle entre donc dans les traditions, elle n'entre pas dans ceci ou cela. La nourriture fait partie des grâces d'Allah. Elles sont toutes licites. Tant qu'il n'y a pas un texte qui prouve que cela est interdit, ou bien c'est impur, ou bien il y a une gêne, un mal, ou bien donc la raison disparaît, comme le shit. Donc ce que mange, donc ce qui se, donc comme la cocaïne, l'héroïne, ou autre drogue, autre chose qui va nuire, ou bien qui va porter danger au corps, ou qui va nuire, non, gênette ou autre. Ici, la demande du risque est de la part d'Allah Azza wa Jalla. Certes, Allah, c'est lui qui donne la subsistance, celui qui est réellement fort. C'est pour ça qu'il a dit, demandez-moi la nourriture, je vous nourris. Demande à Allah toute chose. Ne demande pas autre dans le monde. C'est pour ça que nous parlons de cela. Et nous demandons, c'est-à-dire les gens, de leur bien ou de leur santé. De leur sadaqa, afin de pas saleté, mais sadaqa. Donc nous avons vu vis-à-vis de la parole, ô mes serviteurs, vous êtes tous, donc vous avez tous faim, sauf celui que j'ai donné de la nourriture. Ya ibadi, ô mes serviteurs, vous êtes tous nus ou dévêtus, sauf celui que j'habille. Demandez-moi de vous habiller, je vous habille. Qui tu es lorsque tu sors du ventre de ta mère? Donc comment tu es? Tu es nu. On t'a lavé. On t'a donc posé sur un morceau de tissu. On a fait l'adhan donc dans ton oreille. Lorsque tu meurs, on te lave. On te met aussi dans un linceul. Et là, on prie sur toi d'une prière qu'il n'y a pas d'adhan. Voici la vie. Donc c'est comme si la vie c'était entre l'adhan et la prière. Tu nais alors que tu es nu. Rien, donc tu n'as rien, tu ne portes rien sur toi. Et c'est pour ça qu'il nous est ordonné de se cacher, de se couvrir. Et l'habit de la crainte, c'est cela qui est bien. Quoi que tu portes sur toi comme beau habit, alors qu'avec l'habit de la crainte tu es nu, donc ces beaux habits ne te seront pas profitables. Tous les habits sont permissibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré un morceau de d'or, donc de l'or, un peu d'or et aussi un peu de soie. Il a dit que cela est permis pour les femmes de ma communauté, interdit pour les hommes. Mais ce que tu veux, sans que l'habit traîne au-dessous des chevilles, et non plus il ne faut pas que ce soit avec l'orgueil, il ne faut pas non plus que ce soit dépensé trop cher, il ne faut pas qu'il y ait de l'or ni soie. Cela est interdit. Tout simplement. Voilà ce qui a attrait ou rapport avec l'habit. Ne mets pas l'habit des mécréants. Ce qui est connu, ce qu'ils portent eux dans leur religion. Pour pas que ton habit soit serré. Donc il montre, il dessine l'aura. Faut pas qu'il soit non plus fin. Afin qu'il va encore une fois montrer donc cette aura. Et la femme, on ne voit rien d'elle. De sa tête aux pieds. Donc elle est dans trois situations différentes. Ou bien avec l'étranger. Ou bien avec les gens de la famille et les femmes. Ou avec son mari. Si elle est avec les étrangers, on ne voit rien d'elle. Par contre, avec son mari, il peut voir tout d'elle. Et avec les gens de la famille et les femmes, on peut voir donc les cheveux, le visage, donc une partie des mains et avant-bras et aussi donc les pieds, sans que cet habit soit fin ou serré. Voici l'habit. Donc ne laisse pas traîner en dessous des chevilles, car ce qui est en dessous des chevilles est dans le feu. Tu as mis un nouvel habit. Tu l'as dit, louange à Allah, celui qui m'a donné ça en subsistance et m'a habillé sa puissance et sa capacité de ma part, lui sera pardonné les péchés passés. Allah Akbar. Quelque chose d'énorme, car il y a le remerciement d'Allah. Voici l'unicité. Tu as vu ton frère porter un nouvel habit. Dis-lui, vis bien, vis heureux. Mais donc tu t'es habillé de nouveau. Et vis donc heureux. Et meurs martyr. يعني تبلي ويخلف الله يعني يستمر عليك زمن طويل ويخلفك الله خيرا منه. Donc que cela continue. Donc يعني تبلي من كثرة اللبس يعني يصبح عمرك يسبيري يسبيري. Non, il périt et qu'Allah donc te remplace par meilleur. Achallah, allez, Mentaz. Tu veux. Donc, tu pries, c'est qu'Allah te donne meilleur par la suite. Ne porte pas d'habits de femme. Et les hommes ne portent pas, les femmes ne portent pas d'habits d'homme. Car il y a une malédiction en cela. C'est le fait de ressembler. De la même façon pour les méchants. Il faut que tu te différencies aux musulmans. Là où Allah t'a différencié. Louange à Allah. Donc cache tes parties intimes. Donc certains mécréants s'habillent d'habits larges. Donc c'est-à-dire à mi-mollet. N'est-ce pas que vous voyez cela? Ils appellent ça le Bermuda. C'est vrai ou pas? Donc c'est le rite ou bien c'est la façon de voir la sunna. Certains les voient. Ils disent ça, c'est la mode. Et donc ils ne rejettent pas cela, ils ne dénigrent pas cela. Et il renie et dénigre la personne pieuse si elle met un kamis ou un mi-mollet. Qu'avez-vous? Comment vous jugez? Lakin Allah Musta'an. Donc en vérité, vante-toi et lève ton visage, lève ta tête, car tu pratiques la sunna. لا تلتفت لأحد من العالمين. Ne regarde personne dans ce monde. إذا كنت في مرضات رب العالمين. Tant que tu es, donc si tu es dans l'agrément du Seigneur des mondes. ومتبع لسيد المرسلين. Et tu suis le meilleur des envoyés. فسيكفيكهم الله. Allah te suffira de. لا تلتفت للمستهزئين. Ne regarde pas celui qui se moque de toi. نافس الرجال على لباسهم. نافسوهم على لباسهم donc, وعادوهم على لباسهم donc il faut en vérité que tu sois donc ennemi d'eux vis-à-vis de leurs habits بل حتى على لباس نسائهم de la même façon que pour les habits de leurs femmes وأشغل المسلمات donc ils ont occupé les musulmans إني أخاطب عقلاء هذه البلاد et je parle aux sages de ce pays وغيرها من البلاد et autres aussi في اوروبا خاصه que ce soit surtout en Europe وقول ارجعوا الى متاحفكم revenez donc allez voir vos terres vos وارجعوا الى مفاخركم donc vous revenez en retour à vos traditions à ce que vous avez gardé comme trace التي تذكرونها ce que vous vous rappelez d'elle انتم vous عن مجتمعاتكم de ce que vous avez vu dans vos peuples كيف كانوا يعيشون comment ils vivaient auparavant انظروا إلى لباس النساء regardez les habits des femmes auparavant كيف كنا يلبسن النساء comment elles s'habillaient avant بغطاء الرأس elles se couvraient la tête واليدين les mains واللباس الساتر des habits larges qui cachent ألم يكن هذا موجود n'est-ce pas que cela existait auparavant Alors on retrouve cela dans les musées. Jusque maintenant, dans les champs, dans les villages, on retrouve ce genre d'habits encore. Alors pourquoi vous faites du mal aux musulmanes dans leurs habits? العارية التي تمشي في الشارع ويقبلها الشاب هذا لا يخالف الذوق العام. Celle qui est dénudée et qui se fait embrasser par un jeune, cela n'est pas contraire à ce qu'on voit d'habitude, ce qu'on aime. والمحتشمة هذا يخالف. Celle qui a de la pudeur est en contradiction. إن راهبات بلادكم. Les nonnes ou les bonnes sœurs de votre pays. يخرجن وهن. Elles sortent. بلباس مميز. Avec des habits qui les différencient. وفيها الرأس واليدين إلى القدمين. Elle se cache les mains. Elle se cache le visage. وتقولون هذا لباس ديني. Et vous dites que cela est un habit religieux. لباس نسائنا كلهن دينية. Et les habits de nos femmes sont tous des habits de religion. فلا تعترضوا أحدا منهم. Donc il ne faut pas critiquer ou il ne faut pas être contre une seule d'entre elles. Ya ma'shara uqala hadhihi al-bilad. Oh, ceux qui sont sages de ce pays. Inna nukhatib ha'ula al-uqala. Donc nous parlons à ceux qui sont doués de raison. Bima yajib li ikhwanina al-muslimina min huquq. De ce qui est de respecter en vérité les droits obligatoires de nos musulmans. Donc il faut respecter leur liberté wa huquqhum fi hadha al-janb. Et leurs droits dans ce domaine. Hadhihi mas'alatun muhimma. C'est en vérité un sujet important. أيضا aussi إننا نقول certes nous disons إن الحضارات donc la civilisation عندما ترتقي lorsqu'elle augmente ou ينظر إلى مظاهر أهلها donc on regarde à comment les gens sont habillés ولكن عجبا ce qui est étonnant من حضارات de cette civilisation وصلت غايتها إلى العري c'est qu'elle arrivait à un résultat donc au but d'être que les gens soient nus malgré qu'ils ont de la science malgré qu'ils sont intelligents et elle est en vérité elle s'est rejoint avec donc, les ignorants que l'on retrouve dans les forêts africaines dans ces endroits eux aussi ils sont nus car ils vivent une vie primaire ils n'ont rien connu de la technologie ou de la civilisation mais est-ce que en vérité les compréhensions se sont rejointes dans le fait d'être nu en état primaire et la nudité de celui qui a touché celui qui profite de, en vérité, de la technologie la plus grande et c'est les mêmes résultats. Donc l'habit, c'est ce qui va en vérité différencier le plus, le meilleur, la personne. Donc, oh mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtis. ربما تكون مستور باللباس. لبوسيبك لبرسون هذا زابي كي كاش كي كوفر. ولكنك عاري عند الله عز وجل. Mais tu es nu auprès d'Allah عز وجل. بأفعالك السيئة. Dans tes actes qui sont mauvais. فإن الله عز وجل. Certes Allah عز وجل. يعلم السر. Il connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. N'est-ce pas qu'il connaît celui qui a créé alors qu'il est le doux et le connaisseur. يا عبادي. Oh, mes serviteurs. إنكم تخطئون بالليل والنهار. Certes, vous vous trompez, vous commettez des erreurs de nuit comme de jour. وأنا أغفر الذنوب جميعا. Et je pardonne tous les péchés. فاستغفروني أغفر لكم. Demandez-moi pardon, je vous pardonne. Qui de nous n'a pas commis de péché? Qui de nous ne se trompe pas? Combien de fois on se trompe avec les yeux? Combien de fois on se trompe avec nos yeux? Aussi la langue, combien de fois on se trompe avec cette langue. La même chose avec les mains. Combien de fois on a écouté ce qui est interdit. Combien de fois on s'est trompé, combien de fois on s'est empressé dans le fait de se tromper et dans le fait de ce qui met la colère à Allah. Cela te suffit. Donc reviens à Allah. Repends-toi à Allah. Dis, ô mes serviteurs, ceux qui ont commis de l'injustice envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Donc, Shir ne permet à personne de filmer ou de photographier. Merci. يا عبادي كلكم او مي سيرفيتور vous êtes tous انكم تذنبون بالليل والنهار certes vous commettez des péchés de nuit comme de jour فمن الناس من يذنب في الليل ويذنب في النهار des gens commettent des péchés la nuit et le jour استغفر demande pardon وبالمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا Donc bien pour lui, celui qui trouve dans ses feuillets énormément de pardon. Est-ce que tu demandes pardon ? Donc pose-toi la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une seule assise, comme dans l'authentique, les compagnons comptent en lui qu'il demande pardon à Allah plus de 70 fois. Il dit lui-même, certes, je demande pardon à Allah la nuit comme de jour plus de 100 fois. Qui est-il ? C'est l'envoyé d'Allah. Celui dont Allah a pardonné les péchés passés et à venir. Il est exempt de péché. Alors que dire de nous-mêmes, ô serviteur d'Allah ? Est-ce que tu demandes pardon ou pas ? Notre assise ici, elle a donc des expiations. Lorsque tu t'assis dans une assise, donc dans cette assise, il y a une demande de pardon. Lorsque tu termines, lorsque tu te lèves, quelle est cette invocation ? نشهد ولا أشهد؟ بالمناسبة هذا الاستعمال خاطئ. Donc le fait que le frère a dit نشهد, c'est-à-dire nous attestons, donc Shir a dit que c'était donc c'était en vérité faux. لأن الشهادة. Car l'attestation. إخبار عن ما في. Donc en vérité c'est une annonce de ce qu'il y a. Ce qu'il y a pour toi mais pas pour les autres. Donc il ne faut pas dire Nashhadu. Ashhadu. Allah ilaha illallah. J'atteste. Wa ashhadu. Et j'atteste. Anna Muhammad Rasulullah. Et que Muhammad est Rasulullah. Donc la shahada, c'est en vérité de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc ton intention, ton dogme. Et est-ce que tu parles pour toi ou est-ce que tu parles pour tout le monde, pour les gens ? Ce que tu dis pour toi, c'est ton dogme. Et ce qu'il y a dans les cœurs des gens, il n'y a que Allah qui le sait. Alors il ne faut pas dire et nous attestons. Donc il faut dire et j'atteste. Voici, c'est un dogme, c'est une aqida, donc c'est quoi ? C'est une annonce de ce qui est dans ton cœur. Recommence. أحسن بارك الله فيك هذه كفارة المجلس voici comment on expie dans une assise هل أنت تقولها في كل مجلس est-ce que tu le dis après chaque assise اسأل نفسك pose-toi la question تجد الجواب tu trouveras la réponse الاستغفار شيء عظيم le pardon est quelque chose d'énorme ونعمة c'est une grâce العبادة الآن L'adoration que nous avons fait la prière. La première chose qu'on a dit après cette prière, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc on a dit Astaghfirullah trois fois. Est-ce que nous avons commis de péché ? Est-ce qu'on a commis, est-ce qu'on a sombré ou tombé dans les péchés ? Ou bien on a effectué une adoration ? Alors pourquoi on demande pardon du manquement qu'il y a eu dans cette prière dans le fait de, d'accomplir cette prière comme il le faut en respectant ses droits واركانها, ainsi que ses piliers, فيها, l'illumination et le fait d'être recueilli, le fait que tu es, donc tu es parti, tu n'as pas été concentré comme il le faut. Donc tu vas compléter ce manquement par le pardon. Certains, lorsqu'ils disent, donc, une personne qui va par exemple dire, qui va demander pardon à Allah, il va dire, donc, si tu dis à quelqu'un demande pardon à Allah, la personne va te dire pourquoi j'ai fait quelque chose. Certains d'entre eux disent des fois, lorsque tu dis astaghfirullah, il te regarde et te dit tu as fait quelque chose. Donc je dis non, astaghfirullah, c'est tout simplement une demande de pardon. Donc il faut qu'à chaque fois tu demandes pardon. Sayyid al-istighfar, c'est une invocation importante, une grande invocation. Qui connaît cette invocation? Allahumma, est-ce que cette invocation va se faire donc dans un moment précis? الأدعية فيها مقيد وفيها مطلق، فيها مقيد بزمان، فيها مقيد بمكان، وفيها مقيد بعدد، وفيها مطلق بزمان، وفيها مطلق بمكان، وفيها محدد. هذا مما يدخل فيه الإطلاق والقيد في المكان والزمان، كل مكان. واضح؟ هذا دعاء ما. Donc cette invocation qui est avec toi. مطلق. Donc elle est brute, elle est générale. في من قاله. Celui qui dit cette invocation, il meurt avec, il meurt donc avec la saine nature. Tellement il y a la récompense dedans. Est-ce qu'on apprend ce hadith? C'est le chef ou le plus important des invocations du pardon. Combien on connaît d'histoires, combien de, donc, d'exemples, de proverbes et autres, et d'autres choses. Cette invocation, est-ce qu'on la connaît? Abbas, Abdel. العشاء وصلينا. Nous avons pris l'Isha. حنا معكم الليلة. بكرة عندكم عمل. Donc nous sommes avec nous, avec vous. Vous n'avez pas. Toute la nuit. On reste jusqu'au Fajr. Ah non, il va. Le chien dit qu'il n'arrive pas. Pour peur. Ya ibadi. Oh mes serviteurs. إنكم تذنبون بالليل والنهار. Certes, vous commettez les péchés de nuit et de jour. Et je pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon, je vous pardonne. La demande de pardon, c'est quelque chose qui est demandé. Donc il faut que tu sois heureux, mon fils, un serviteur d'Allah, de celui qui te rappelle d'Allah, et que tu demandes pardon à Allah. Demande pardon à Allah. Donc, demandez pardon à Allah, certes, il est le pardonneur, le miséricordieux. Bienheureux celui qui trouve dans son registre énormément de pardon. Les ablutions, c'est aussi une cause pour que les péchés soient effacés. Lorsque la personne se lave les mains, ses péchés lui sortent avec l'eau jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce qu'elle sorte aussi de ses âmes. Et la même chose pour le visage, jusqu'à ce qu'il soit purifié des péchés. d'une prière à une autre, du vendredi à celui qui vient après, du ramadan au ramadan, du hajj au hajj. Toutes sont expiations du temps qu'il y a entre les deux. Donc il faut que tu fasses, en vérité, que tu profites des expiations des péchés. Et le plus important, c'est l'unicité. Fils d'Adam, si tu me viens avec l'équivalent de la terre comme péché, et que tu ne m'associes en rien, je te viens avec l'équivalent de pardon. Quelle est la condition? Que tu ne m'associes en rien. Certains sont accrochés à des arbres, aux pierres, aux gens, la vache. Voilà, ils sont accrochés à ces choses-là. Des fils qu'ils accrochent au poignet. Vous voyez les talismans? Protection. Aussi, donc, une protection. Hijab. Talasim. Donc, tout petit talisman. Toutes ces choses-là fait partie du polythéisme. Ya ibadi, ô mes serviteurs, innakum lan tablughuna fa'ida tanfa'uni. Certes, vous n'arrivez pas à acquérir ou à arriver au fait de me faire du bien. Afin que vous soyez profitable. Et de la même chose pour le mal, vous n'arrivez pas à me causer de tort afin de me causer de tort. Allah tabaraka wa ta'ala ghaniyun 'an al-'alamin. Allah est riche et se suffit des mondes. La tanfa'u ta'at at-ta'i'i. L'obéissance de ceux qui obéissent ne lui sera pas profitable. Wa la tadurruhu ma'siyat al-'asi. Et il ne va pas nuire ceux qui commettent des péchés. Fa huwa ghaniyun 'an an-nas ajma'in. Il est riche et se suffit des gens, tous les gens. Ya ayyuha an-nas. Ô gens. Antumul fuqara ila Allah. C'est vous les pauvres envers Allah. C'est Allah le riche et le louable. S'il veut, il vous fait disparaître. Et il vient avec une nouvelle communauté, une nouvelle création. Et cela n'est pas donc difficile pour Allah. Donc il faut énormément demander pardon. Si seulement vous ne commettez pas de péché et que vous ne demandez pas pardon, Allah vous aurait fait disparaître. Et il serait venu avec un peuple qui commet des péchés et qui demande pardon. Est-ce que cela veut dire que c'est une permission pour nous afin de sombrer dans le péché? Ou bien c'est un ordre pour nous du fait que de ce qui les gens sont tombés comme dans les péchés et que aussi donc la porte du repentir est ouverte? Quand est-ce que la porte de la Tawba est fermée? Donc, aux affres de la mort, lorsque le Solam sort. Donc c'est comme lorsque l'âme sort. Donc ce moment-là. Ou bien. Lorsque le soleil vient de l'Orient et éclaircit. Avec. Donc c'est terminé. La personne donc ou bien elle est mécréante ou bien elle est croyante. Donc les gens ne savent pas après cela que par l'appel à mu'min, ô croyant, ya kafir, ô mécréant, tout simplement. Il n'y a pas de repentir après cela, c'est terminé. Celui qui est dans la terre Et donc celui qui veut se repentir, sans repentir, sera rejeté. Il ne pourra pas se repentir. Ya ibadi. Oh mes serviteurs. Si les premiers d'entre vous, les derniers d'entre vous, et vos humains, et vos djinns, avaient tous le cœur du plus pur d'entre vous, cela n'augmenterait en rien dans mon royaume. Oh mes serviteurs, si les premiers d'entre vous et les derniers d'entre vous et vos humains et vos djinns avaient le cœur du plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait en rien dans mon royaume. Donc c'est une richesse totale, excellente, parfaite. Et Allah n'a besoin de rien, quoi qu'il en soit. Tout le monde a besoin d'Allah, qu'il soit un djinn ou qu'il soit un humain. Allah donc se suffit, il est riche, il n'a besoin de personne. Oh mes serviteurs, si les premiers d'entre vous, les derniers d'entre vous, vos humains et vos djinns se rassemblaient sur la même esplanade. Al-Sa'id, donc, c'est une terre qui est plane. Ni on retrouve des endroits élevés, ni des endroits qui sont rabaissés. Tout le monde est au même niveau. Regardez le nombre. Et me demande. Je donne à tous ceux qui ont demandé. Maintenant, les fils d'Adam, on est combien sur cette terre? 7 milliards. 6 milliards. Il y a des comptes qui sont approximatifs. 7 milliards. À peu près 6 millions, 6 milliards. 500 millions quoi, dans ce monde, dans le monde total. Les musulmans milliards, sont du nombre d'un milliard et demi. Donc leur pourcentage est peu vis-à-vis du nombre. Mais cela, nous en vérité, on est déterminé là dans un temps. Vous connaissez Al-Huqba, donc ce temps, Al-Huqba, c'est la génération, c'est ce qu'il est entre 20 et 25 ans. Donc, bien sûr, il y a divergence entre les savants qui ont la communauté. Car ils disent, donc celui qui dit qu'il a l'âge de 20 ans, lorsqu'il se marie, et lorsqu'il arrive à 20 ans, à 40 ans, donc son enfant aura 20 ans. Lorsqu'il aura 60 ans, donc son petit-fils, donc le Huqba en réalité c'est la génération. Il est possible que dans un siècle il y a 4 ou 5 générations. Donc c'est entre 20 et 25 ans. Il y a, voici la génération actuellement. Donc peut-être qu'il y aura plus ou bien moins. Donc les maladies, les guerres, donc justement, c'est la même chose pour la catastrophe, car Allah a décidé que ces catastrophes arrivent. Des fois, c'est un tremblement de terre. Donc, il peut y avoir 1 million de personnes qui pourraient mourir, par exemple. Donc, des fois, c'est la tempête. Donc, 5-6 millions de personnes peuvent mourir. Des fois, c'est des guerres. Des millions de personnes peuvent mourir. Et autres. Le plus grand rassemblement que nous connaissons est trouvé où? Arafah. Où? Donc à Arafah, la station de Arafah. Donc les gens l'invoquent. 3, 4, 5 millions de personnes. Si nous partions et que nous nous rassemblions donc dans cet endroit qui est béni, dans ce rassemblement béni, alors que les langues sont différentes, les voix sont différentes, leurs besoins sont différents, leurs désirs sont différents, au même moment, rien ne sera différencié auprès d'Allah. Ni les langues, ni les besoins. Il les connaît toutes comme elles sont. On revient à la génération ou au hadith. Oh mes serviteurs, si les premiers d'entre vous, de ceux qui sont passés, et les derniers de ceux qui viendront après nous, parmi les humains et les djinns, la ilaha illallah, combien il y a de personnes? C'est un nombre qui ne peut être compté que par Allah. Il dit et il me demande. Je donne à tout le monde ce qu'il a demandé. Sans que cela ne diminue en quoi que ce soit dans ce que j'ai. De la même façon que si je trempe un fil dans la mer, va au bord de la mer et en y entre-y une aiguille et retire cette aiguille. Regarde donc ces vagues, comme elles viennent, qui se succèdent les unes les autres. Est-ce que le fait que tu as retiré cette aiguille, ces vagues vont par exemple baisser, ou bien ça va changer quelque chose? Donc Allah a donné un exemple par rapport à ce qu'il a dans sa royauté et de ce qu'il donne, sans que cela ne diminue en quoi que ce soit de ce qu'il a comme dans sa royauté. Allah aime de ses serviteurs, donc le serviteur qui demande avec répétition, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Ou bien tu auras la réponse, ou bien il y aura donc cette réponse, va se battre, ou bien c'est-à-dire va être arrêté ce qui devait descendre du destin au jour dernier, ou bien ce que tu as demandé sera protégé et va rester pour le jour dernier. Le serviteur dit, oh mon Seigneur, qu'est-ce que cela? Allah lui dit, c'était les invocations là où tu n'as pas reçu de réponse. On te les a stockées, tu les as gardées donc pour ce jour. La personne espère qu'aucune invocation ne soit exaucée dans la vie d'ici-bas et qu'elles étaient tous donc gardées pour au-delà. Donc ne sois pas avare envers toi-même. Le dernier tiers de la nuit, Allah descend au premier cieux, comme il a été authentifié par le prophète. Il dit, oh mes serviteurs, est-ce qu'il y a un invocateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon pour lui? Et je lui pardonne. Allah lui-même donc appelle ses serviteurs. Et il dit, invoquez-moi, je vous réponds. Invoque Allah pour toute chose, dans le fait d'avoir la réussite, la vie heureuse, la bénédiction dans le risque, la bonne santé, arranger les enfants, la guider. Donc ce sera des deux biens dans la vie ici-bas et dans le delà. Mais celui qui est avare de cela n'est avare que pour lui-même. Donc la personne ne doit pas être avare pour lui-même. quelque part. يا عبادي. Oh mes serviteurs. إنما هي أعمال. Certes, ce sont vos actes. أحصيها لكم. Je les comptabilise pour vous. ثم أوفيكم إياها. Et puis je vous les donne largement. من وجد خيرا. Celui qui a retrouvé du bien. فليحمد الله. Qu'il loue Allah. ومن وجد غير ذلك. Et celui qui a trouvé autre que cela. فلا يلومن إلا. Qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. ما معنى؟ Qu'est-ce que cela veut dire? معنى؟ Cela veut dire أن كل ما اقترفت que tout ce que tu fais وكل ما أتيت à chaque fois que tu vas ومحفوظ لك tout en va être et protégé et gardé pour toi مكتوب عليه c'est écrit وضع الكتاب et on a levé le livre et tu vois donc les pervers de ce qu'il y a eu. Ils disent oh malheur à moi qu'est-ce que ce livre n'a pas laissé chaque petite ou grande chose a été donc comptabilisée et ils ont trouvé tout ce qu'ils ont fait présent et Allah n'est pas injuste envers personne certes nous donnons vie aux morts ونكتب ما قدموا et on écrit ce qu'ils ont fait et leurs traces وكل شيء احصيناه في امام مبين donc toute chose a été comptabilisée dans un imam donc mubin qui est clairvoyant as-tu oublié ما حصل منك ce que tu as fait اليوم aujourd'hui امس hier العام الماضي il y a un an 10 سنين il y a 10 ans اكثر اقل avant ou après, plus ou moins. Le jour où Allah va tous les rassembler et il va leur dire clairement de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Allah a comptabilisé et eux, ils ont oublié. Et Allah est témoin de toutes choses. Que dire de toi alors que ce témoin donc, est proche le jour où donc elle va parler de ses annonces de ce qui s'est passé que dire que tes membres vont te dévoiler tes membres vont parler le jour où nous allons donc clouer ou bien boucher, c'est-à-dire cette bouche, les bouches qui ne vont pas parler, et ses mains vont témoigner, ainsi que ses pieds, de ce qu'ils ont fait. Donc nous allons fermer ses bouches, et ses mains vont nous parler, et leurs pieds seront témoins de ce qu'ils ont fait. Donc, le témoin est de toi, est pour toi ou bien contre toi. Où est l'excuse? Quelle est ton excuse? Où est ton excuse? Quelle est ton excuse? Ta main, elle va te dévoiler. Toi, tu ne vas pas parler. Tes pieds, ils vont parler sur toi. Personne ne sera témoin de cela. Tes actes. Hein, donc tes membres vont parler de ce que tu as fait. Et les anges ne mentent sur personne. Et elles n'écrivent pas ce qui est faux. Toi, en vérité, tu es en train de dicter à ces anges ce que tu fais et ce que tu dis, et les anges écrivent. Les anges n'écrivent que tes paroles et tes actes. Crains Allah. Oh mes serviteurs, certes ce sont vos actes, je les comptabilise pour vous, et puis donc je vous les donne, celui qui y trouve du bien, qu'il loue Allah, et celui qui trouve autre que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Parmi les causes les plus importantes pour que les cœurs, les poitrines s'élargissent et que les choses soient facilitées et que tu sois raffermi dans la religion et que tu sois heureux dans cette vie. C'est obéir à Allah en secret lorsque tu es seul. C'est pour ça dans le hadith où les sept seront protégés de l'ombre d'Allah, où il n'y aura que le nombre d'Allah ce jour-là, la majorité de ces œuvres, ce sont que les œuvres où la personne était seule, cachée. Que tu donnes la main droite et que la gauche ne sait pas. Celui qui se souvient d'Allah seul et il pleure. Une femme lui est venue et il lui a dit: je crains Allah. Donc parmi les choses les plus importantes, ce qui peut aider à être raffermi et être dans la voie droite, c'est dans l'obéissance, dans le fait d'être seul, lorsque tu es seul et que tu obéis Allah. Lorsque tu te prosternes la nuit et que tu jeûnes le jour, l'aumône, aider donc celui qui se perd ou bien celui qui a besoin, l'orphelin, la veuve, le pauvre. Donc arrange ce qui est entre toi et ce qui est entre Allah, et Allah va arranger ce qui est entre toi et ce qui est entre les gens. Donc pervertis ce qui est entre toi et ce qui est entre Allah, et Allah donc aussi va pervertir ce qui est entre toi et ce qui est entre les gens. Sois véridique avec Allah. Ô musulmans, soyez sincères ou soyez véridiques dans vos actes, car c'est en vérité dans les mu'amala, donc les actes avec les autres, car c'est en vérité l'appel la plus véridique. Et ce qu'il y a de meilleur qui fait que l'islam se propage, c'est que le musulman soit véridique dans sa religion, dans ses promesses, dans ses actes, dans ses promesses et ses... donc dans ses actes, donc aussi dans les choses importantes de sa vie, et lorsqu'on aussi on lui demande de faire quelque chose, la personne ne doit pas ruser, il ne faut pas jouer. Sois véridique. C'est en vérité la plus grande prêche à l'islam. N'est-ce pas que maintenant encore les gens entrent dans l'islam? Est-ce que quelqu'un les a donc a levé l'épée sur eux? Est-ce que quelqu'un les a attaqués, les a agressés? Est-ce que quelqu'un les force? Malgré qu'on voit une animosité qui est forte, et aussi ce qui ment, ce qui critique faussement la religion, et qu'ils mentent sur les musulmans pieux, donc ils ont donc ces mensonges. Donc on voit qu'en vérité, quelle est la religion où on voit le plus de gens rentrer? C'est l'islam. Donc ça, c'est une reconnaissance qui ne vient pas de nous. C'est une reconnaissance qui est mondiale. Donc en vérité, les chiffres que l'on retrouve de ceux qui sont rentrés dans l'islam sont plus que cela. Donc ne sois pas la cause de ceux qui sont du fait d'arrêter donc la voie d'Allah. Donc l'Asie de l'Est, les gens ne sont pas rentrés dans l'islam, car les gens étaient véridiques et étaient respectueux du dépôt. Et ça c'est connu. C'était des musulmans, donc commerçants là-bas. Parmi les causes les plus importantes du délaissement de la religion, du délaissement, et aussi de la mauvaise vie, et des visages noirs, donc une mauvaise vie, donc une vie qui est, et recevoir très peu de bénédictions, c'est de s'envahir les péchés que tu fais en secret, les péchés dès que tu es seul. Dès que la personne est seule, elle commence à faire les péchés. S'il voyait un petit enfant devant lui, il aurait honte de ce qu'il fait. Mais pourtant, il n'a pas honte d'Allah. Et donc, il regarde l'interdit. Les yeux forniquent. Et combien cela arrive ? Que les gens regardent les femmes. Nous vivons où, nous ? Donc, baissez les yeux. Alors, que dire que celui qui va sur le net et qui recherche donc cela ? Ou dans les revues ? Ou les photos ? Ou dans les films vidéo ? Ou bien tous les interdits ? Craignez Allah. Sache qu'Allah te voit. N'est-ce pas qu'il voit ce qui a créé, et c'est lui, le doux et le connaisseur. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ترجمها لكم ولا ما ترجمها أنا أعطيكم إياها donc c'est la poésie, on va la laisser comme elle est. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرى لا بد أن تراقب الله. Donc il faut faire attention à Allah. Donc il a parlé grossièrement dans la poésie qu'il faut avoir honte de celui qui te regarde. الذي خلق الظلام يرى. Donc celui qui a créé les ténèbres, donc le noir, te voit. يعلم النملة. Il sait la fourmi, donc il connaît. La fourmi qui est noire la nuit, donc il, vraiment, il fait vraiment noir dans ce désert, donc vraiment le désert où il y a, donc c'est vide, il fait bien noir, il n'y a aucune lumière. Voyez un petit peu l'exemple. Donc ça a l'air, c'est en vérité une terre qui est dure. Hein, c'est une terre qui est dure. Alors si on marche dans cette terre qui est dure, on n'entend pas de bruit. On n'entend rien. Et si donc on est dans une terre qui ne serait pas dure comme ça, lorsqu'on marche, on peut entendre nos pas. Et lorsque la chose justement est bien donc consolidée, donc lorsque tu marches dans cette terre consolidée, en vérité les gens ne t'entendent pas. Allah tabaraka wa ta'ala, il entend donc le pas de la fourmi donc dans ce désert qui est en vérité dur consolidé. Il la voit la nuit où il fait vraiment noir. Il fait noir, très noir. Donc c'est la nuit. La pierre est noire. Alors que dire de l'homme ? Toi l'homme. Est-ce que tu penses qu'Allah ne te voit pas ? Certains, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils regardent à droite. Ils regardent à gauche. Donc il regarde dans tous les sens pour regarder est-ce que quelqu'un le voit, et malgré cela il fait ce qu'il veut faire, est-ce vrai ou pas. Il ne regarde ni à droite ni à gauche ni devant ni derrière. Regarde Allah. Le péché c'est ce qui donc grouille dans l'intérieur de toi alors que tu craignes que les gens le voient. Tout simplement. Celui qui t'a donné les grâces de l'œil, de la vue, autre que toi, a perdu la vue et donc il est aveugle. Celui qui t'a permis d'entendre, autre que toi n'entend pas. Allah t'a donné la capacité de marcher, autre que toi est handicapé. Allah t'a donné énormément de bienfaits et si tu comptais, si tu essayais de compter les bienfaits d'Allah, tu ne pourrais pas les comptabiliser. Celui qui a donné les grâces, il est capable donc de les reprendre. Donc il faut que tu remercies Allah pour cela. Celui donc qui vous a fait vivre, celui qui vous a donné des vues, donc des ouïes, des vues et des cœurs. Peu d'entre nous remercient en vérité. Donc il faut remercier Allah vis-à-vis donc des grâces qu'il nous a octroyées. Et il faut se rappeler d'Allah, donc il faut mentionner Allah lorsque tu as reçu. Alhamdulillah, de ce qu'il nous a octroyé dans cette assise qui a été bénite. Donc là où on s'est rappelé, donc un hadith important, et on demande à Allah que cette assise soit vérité pour nous, pas une preuve contre nous, et qu'il nous aide tous ensemble, nous protège tous ensemble contre Shaitan al-Rajim, et qu'il nous aussi nous protège, donc il nous suffit des mots qui est entre nous-mêmes, en nous-mêmes, ainsi que nos péchés dans nos actes, et qu'il nous prenne afin d'obéir et de craindre et de commettre de faire des œuvres qui sont agréées. Donc Allah nous fasse et nous à te rappeler, à te remercier et à t'adorer comme il le faut. Je demande à Allah d'arranger les choses des gens ainsi que les gouverneurs et qu'il fasse que les gouverneurs soient miséricordes pour gouverner et qu'il les aide, donc il les donne la réussite à juger dans son livre et dans sa sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous fasse revenir dans nos pays donc pieux, saints. Amin. Amin. صلى الله وسلم على محمد بارك الله فيكم اجمعين السلام عليكم ورحمه